L'été 1935, Manhattan. Après avoir traversé les États-Unis d'ouest en est, seul en automobile, Robertson s'installa au Henry Street Settlement, institution sociale fondée en 1893 par l'infirmière Lillian Wald et dotée d'une école proposant diverses formations aux habitants du quartier, enfants comme adultes. Robertson y dirigea le nouveau programme de musique sociale, censé compenser la dérive élitiste de l'école de musique en place, en proposant des activités musicales accessibles à tous. Elle y organisa notamment une chorale et fut frappée par l'enthousiasme suscité par le morceau qu'elle proposa au groupe, Home on the Range. Ce chant, popularisé par John Lomax dans les années 10, était devenu dans les années 30 un véritable tube, grâce à la reprise par plusieurs cow-boys chantants d'Hollywood et, en 1933, par le célébrissime Bing Crosby. Écoutons-le. Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Tous les habitués du Henry Street Settlement se mirent à entonner ce chant. Les jeunes enfants noirs, comme les mamas juives, parlant pourtant à peine l'anglais. Pour Robertson, cet engouement allait marquer les débuts d'un questionnement qu'allait les poursuivre des années durant, avec autant de persistance que, selon sa propre expression, un chien avec un os. Qu'est-ce qui rendait ce chant si plaisant et puissamment fédérateur? En somme, qu'est-ce qui en faisait une folk song américaine? En plus de son travail à la Henry Street Settlement School, Robertson profita de se trouver à New York pour suivre les cours de musicologie de Henry Cowell sur les Music of the World People à la New School of Social Research, institution de recherche où elle put fréquenter des musiciens avant-gardistes, notamment John Cage, qu'elle fréquentait déjà en Californie, et des militants proches du Parti communiste. Son intérêt pour les musiques de tradition orale grandissant, elle décida de se rendre à Washington pour visiter l'Archive of American Folk Song de la Bibliothèque du Congrès, sans se douter alors qu'elle allait travailler étroitement avec cette institution durant de nombreuses années. Entre 1936 et 1940, Robertson participa aux grands efforts de collecte de folk music soutenus par des fonds publics émanant de divers programmes du New Deal. Le New Deal, vaste projet de réforme lancé par le président Franklin Roosevelt au plus fort de la Grande Dépression, fut marqué par une politique interventionniste dans les domaines de la finance et de l'économie et par la mise en place de grands travaux. Parmi les plus notables, la construction du célèbre Golden Bridge de San Francisco ou encore la construction de barrages hydroélectriques dans la vallée du Tennessee. Ces projets avaient pour objectif de remettre au travail les chômeurs tout en développant les infrastructures du pays. Le gouvernement intervint également dans les domaines culturels et artistiques par la création de programmes dédiés à l'emploi des artistes et intellectuels, eux aussi frappés de plein fouet par la crise, et résolument tournés vers la promotion des arts nationaux. Entre 1935 et 1940, des orchestres et des troupes de théâtre furent fondés, des peintres commissionnés pour réaliser des fresques sur les bâtiments publics, célébrant les héros populaires de la nation, et des écrivains chargés de rédiger des guides touristiques sur les différentes régions du pays ou récolter des témoignages d'anciens esclaves. Robertson tira profit de ces nouvelles politiques culturelles mettant à l'honneur la culture et les folklores nationaux et, à l'instar d'autres férus de folk music, utilisa ces nouvelles niches institutionnelles pour développer et poursuivre son intérêt pour l'étude et la collecte des musiques du peuple américain. Plusieurs dizaines d'années plus tard, elle écrira à propos d'elle-même dans un essai autobiographique. Elle a échangé une attache sentimentale à la culture européenne et française pour un savoir pour la connaissance et le plaisir de ce qu'est être, de ce qu'est, de ce que c'est d'être américain. Mais son américanisme culturel restera quand même toujours marqué par un grand cosmopolitisme. En août 1938, Robertson écrivait à Harold Spivak, directeur du département musique de la Bibliothèque du Congrès et l'un de ses proches collaborateurs. « J'ai vraiment fait un grand nombre d'autres boulots qui se déroulaient normalement sans explications, corrections et ajustements perpétuels. Mais il suffit que je touche les folk songs et immédiatement tout ce qui est en rapport commence à agir comme si c'était possédé, y compris moi-même. » Entre 1936 et 1940, elle voyagea dans plusieurs états du sud des Appalaches. Pennsylvanie, Virginie, Caroline du Nord, Tennessee, Arkansas, Missouri. Puis dans le Minnesota, le Wisconsin, l'Iowa et enfin la Californie. La plupart du temps, seule avec son chien et armée d'une machine enregistreuse, elle recueillit plusieurs centaines de chants et mélodies de petits fermiers, de militants politiques, d'épiciers ou restaurateurs, de bûcherons, de mineurs, d'anciennes stars de vaudeville ou encore de prisonniers noirs. En 1936 et 1937, elle fut d'abord engagée comme assistante du musicologue Charles Seeger dans le premier programme du New Deal, employant, de manière tout à fait expérimentale, des musiques locales pour encourager la cohésion sociale dans des villages de réhabilitation pour fermiers démunis et ouvriers au chômage, instaurés par une agence fédérale dans le sud des Appalaches. En 1937, toujours au sein de cette agence où elle fut promue à un emploi d'assistante sociale qui ne l'enchantait guère dans le Minnesota, elle collecta durant son temps libre des chants de bûcherons, des fiddle tunes franco-canadiens et des chants finlandais ou encore slovaques. À l'été 37, suite à une tentative infructueuse pour obtenir des financements pour un projet de collecte sur tout le territoire national, elle retourna s'installer à San Francisco et parvint dans les mois qui suivirent à convaincre l'université de Berkeley de soutenir un projet d'étude des musiques de la région de San Francisco. C'est là qu'elle rencontra son deuxième et énigmatique époux, un photographe avec qui elle collecta quelques chants à l'aide d'une machine enregistreuse qu'elle se procura grâce à l'argent de son assurance auto à la suite d'un accident aux conséquences bénignes. Les deux années qui suivirent furent consacrées à enregistrer des psaumes russes orthodoxes, des chants de mineurs, des opérettes italiennes, des rimures islandaises ou encore des chants des îles Açores et du jazz arménien. Elle eut aussi à superviser une équipe de 20 employés fédéraux chargés du traitement des enregistrements et données collectées. Son California Folk Music Project fut le dernier projet de collecte de folk music du New Deal et sans doute le plus abouti. Durant ces 5 années, Robertson côtoya de nombreux acteurs engagés dans l'étude des chants et musiques régionales des États-Unis, de grands professeurs d'université, mais aussi des administrateurs et archivistes, des directeurs de festivals, des chansonniers militants et bien sûr des musiciens. Elle devint une collectrice notable et reconnue, tant pour ses compétences sur le terrain, sa technophilie et son habileté avec les informateurs, que pour ses connaissances théoriques en musicologie, en folklore et en anthropologie. C'est à elle que fit par exemple appel John Lomax pour sélectionner des enregistrements de l'Archive of American Folk Song, dont il était pourtant le directeur, à présenter au couple présidentiel lors d'une soirée officielle. Elle fut également responsable de la conception d'un système d'archivage encore utilisé aujourd'hui pour cette même archive. Le jeune Alan Lomax la sollicita aussi pour obtenir des contacts en vue d'une campagne de collecte dans le Michigan en 37, puis pour une de ses émissions de radio consacrée aux chants de mineurs californiens, dont Robertson était devenu la grande experte. À l'issue de cette période, alors que sa réputation n'était plus à faire, Sidney Robertson devint Madame Cowell. Et hormis un emploi temporaire de consultante en folk music au sein de la Pan American Union en 1941, elle cessa toute activité liée à la folk music. En 1940, elle publia un ouvrage sur les chants de mineurs de Californie destinés au grand public, puis l'année suivante une bibliographie détaillée avec Alan Lomax, suivi de quelques comptes rendus dans des revues spécialisées, puis plus rien. Entre 1942 et 1950, elle redevint professeure de musique, cette fois dans le Mills College Education à New York, et assista son époux, le compositeur Henry Cowell, dans la promotion de ses compositions et l'organisation de concerts. Je vous laisse avec l'interprétation par le Manhattan Chamber Orchestra d'une composition de 1940 de Henry Cowell, intitulée American Melting Pot. Il s'agit du premier mouvement, chorale teutonique américaine.